sens qu'on est levé. Il éclate de sa gloire, remplit toute la terre. Adonai est assis sur son trône de gloire. Tout l'univers est rempli de sa gloire. Il est assis sur son trône élevé. Et l'éclat de sa gloire remplit toute la terre. Adonai est assis sur son trône de gloire. Tout l'univers est rempli de sa gloire. Majesté. Nous célébrons ta grandeur et ta puissance, Seigneur.